I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Bienvenue à une 35e édition de Subversion, celle du 13 mai 2016. C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? J'entends ça dans mes headphones, je cache pas. M'entendez-vous? Testing 1, 2, 1, 2. Ça me fait penser à une affaire de ciné-quiz, je cache, je comprends pas d'où ça vient. C'est quoi cette affaire? T'as peur. C'est donc de peser là-dessus, voir qu'est-ce que ça fait. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à cette rencontre du samedi soir de 20h à 21h, 21h30 au Vidéorandia. Et nous en sommes au numéro 10 de l'année 2016. Vous entendez la voix de votre animateur, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, directement du Québec. Je comprends pas pourquoi ça passe dans mes Et fonds. Nous avons un invité de France, plus précisément de Monaco, M. Peter Knight, l'auteur de ce livre. Le secret des envahisseurs. Tome 2. Préparation. C'est bon. OK. Ça marche, là? Testing 1, 2. Salut. Oui, bonjour. Oui. C'est Subversion sur Underground Québec. Je m'appelle Sylvain Latour. J'ai avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. On s'excuse pour ces interférences. C'est à croire qu'il y a une conspiration interstellaire. Qui s'abat sur notre radio. Il y a eu comme une espèce de crossover. Là, de... Ben moi, ce que je suis en train d'allumer sur quelque chose, là, parce que on sait qu'on a su de cette semaine, on a su de notre ami Grand Manitou, Alain Roussel de Black Power, qui est le Grand Manitou, justement, de Underground Québec Radio, qui est basé justement au Mont-Saint-Hilaire, là où semble-t-il tous les espèces de bases extraterrestres sont établies. Donc, étant donné que, semble-t-il, Richard opère avec Radio ou TV Orandia, là, il opère à proximité justement de Razed Underground Québec, ce qui expliquerait peut-être les interférences qu'on vient de subir, mais on s'en excuse. En tout cas, ça aurait été une des grandes surprises de ces 35 premières émissions de Subversion. Alors, merci d'être encore au rendez-vous encore une fois. Et puis, ben, lâchez pas, hein, peut-être qu'un jour, on aura autant de codes d'écoute que Radio Fenris. Radio Fenris, comme il dirait notre ami Fenris de Dark Throne qui anime ce podcast mensuel sur SoundCloud. Et puis, Ben, c'est ça, justement, par rapport à ça. Je vais vous en reparler, étant donné que on a quelques nouveautés dans cette émission à vous proposer, dont les groupes du Brésil, Claustrophobia, aussi de la part de Vector, de Schizo de l'Italie, et puis The Vulture, un groupe allemand qui fait de la old school metal que j'ai découvert justement à Radio Fenris. Alors, je vais vous faire entendre ça dans le premier bloc. Donc, ouais. On va entendre Sepultura, Vulture, mais d'abord Living Death, l'autre groupe allemand qui ça fait longtemps qu'on n'a rien entendu parler d'eux autres, mais je n'avais rien à dire sur Living Death, moi. On va y aller tout de suite, hein, avec cette pièce de 1987, Horrible Infanticide Part 1, la subversion sur Underground Québec Radio. Don't dance! choses qui tournaient pas rond. Vers 75, le Seigneur a commencé à m'avertir qu'il se préparait pour le monde une situation économique d'une gravité sans précédent. Vous entendez la voix de votre animateur Richard Jeanne, l'ésotériste du Nouveau Monde. Le secret des envahisseurs. Le God dont il est question n'est pas le Dieu du Trinité, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu auquel l'Illuminati se consacre pour assurer le règne universel de Satan. De Satan. l'école pour voir les Beatles. Ouais, c'était Max Cavalera de la belle époque de Sepultura. Qui disait aux gens comme ça, les gars, vous voulez entendre quelque chose de vieux, vision morbide. Ouais, c'était leur interprétation de Desperate Cry dans ce spectacle qui avait lieu au Giants of Rock en Finlande le 7 juillet 1991, pièce qui a originalement paru sur l'album Arise quelques mois auparavant. Donc, un clin d'œil à ce Arise qui a eu 25 ans. Déjà en mars dernier, on était un petit peu passé à côté à ce moment-là. Avant ça, on avait eu le groupe, ce groupe allemand Vulture, qui font dans le old school speed metal, mais vraiment de très bonne façon, très authentique. Alors, on se croirait vraiment en 1985 quand on entend ça, autant au niveau dans l'exécution que dans le son. Fait beaucoup penser à Iron Angel surtout, et d'autres groupes allemands comme Warrant aussi, et Living Dead, hein, qu'on a entendu en début de bloc. La pièce était Victim of the Blade sur le démo Victim of the Blade paru en janvier dernier. Et puis ça m'étonnerait, c'est franchement bon, ça m'étonnerait que ça ne soit pas réédité en d'autres formats éventuellement. Et j'ai découvert ça évidemment sur la radio Fenris la semaine dernière, où j'avais décidé de faire partager une chanson. Et début de bloc, comme je disais, Living Death avec Horrible Infanticide Part 1 de l'album Protected from Reality de 1987. Ça avait été produit, ce troisième album, par Ralph Hubert de Mekong Delta. Ouais. Alors, 6h52, vous êtes toujours à l'émission Subversion sur Underground Québec Radio. Et avant d'entamer le prochain bloc, je voulais réagir à un article que j'avais lu dans le journal Métro ici à Montréal. Ça a été écrit par une journaliste, je pense, du nom de Judith quelque chose. Le nom ne me revient pas en ce moment, mais le bar musique avec un Z, oui. Bon, suite à un incident relié aux gangs de rue, il y a eu coup de feu et tout ça. Le bar, consentit à fermer pour deux semaines, le temps que la poussière retombe. Mais non seulement ça, mais la régie des alcools aurait incité le bar à ne plus diffuser de musique hip-hop. Ça, je trouve ça particulier. On se croirait un peu à l'époque, justement, parce que le rock était vraiment, avait un bad rap, comme on dirait, dans le temps d'Elvis, là, où il suffisait d'écouter du Elvis pour donner des maladies vénériennes. Bref, on est en 2016, hein, puis là, c'est l'État qui légifère sur un envers un style musical. Bon, moi personnellement, le hip-hop, vous savez, moi le hip-hop, ça fait deux. Et puis je m'en fous pas mal, sauf que ça m'a fait réagir en fait à cause que je me disais, il devrait légiférer contre ces individus. Amender ces personnes qui arrivent à la station d'essence avec leur espèce de SUV, là, pas de flasher, là, avec les mags chromés, le système de son 5 000 $, et qui blastent vraiment le quartier avec leur espèce de musique indigeste, ouais, le hip-hop, sous fond de hip-hop quelconque. Bref, l'outrage n'est pas vraiment dans le fait que d'avoir les fenêtres ouvertes avec un volume excessif, mais c'est quand que vous tinquez, là, vous fermez votre moteur, là, ben, pouvez-vous aussi fermer votre de musique? Non, mais c'est parce que je suis en train de tinker, c'est dans ma face, là. L'autre, il s'en va, là, il s'en va dans le cubicule pour payer son gaz, puis là, ça continue de blaster, là, son de truck, là. Non, mais c'est pas possible, là. Il faut faire quelque chose pour ça. Puis ça, c'est pas un événement isolé, c'est vraiment typique. C'est courant de ce genre de personnage, cette attitude outrageuse. Bon, bref, c'est un peu ça que je voulais partager par rapport à ça par la bande. Et puis, c'est surtout le fait qu'on puisse légiférer comme ça, que l'État puisse imposer un mandat, une loi contre une diffusion de musique ou toute autre chose qui n'a pas rapport avec afin de contrôler la population. C'est surtout ça qui est alarmant. Et puis, voyez-vous, la presse, il y a une version différente où ce qu'on mentionne de cesser temporairement de faire jouer de la musique de style gangster rap spécifiquement et non hip-hop at large. Mais bon, tant qu'à moi, le hip-hop, c'est un fléau. Point final, puis il devrait enlever ça. Et voilà, je l'ai dit, c'est tout. bien, en musique, dans ce prochain bloc, les nouveautés de Vector et de Schizo. Oui, Schizo, c'est vétéran italien qui revient en 2016 avec un album du nom de Rotten Spiral que le Dr. Pendragon, notre ami, le Doc, a passé à réanimation récemment. Donc, ça m'a allumé sur le fait que ce groupe existait encore. Et puis, on va y revenir. Mais avant, un groupe de Stockholm qui incorporait le rap, pas nécessairement le hip-hop, moi en 94, j'aurais pas dit ça, là. Mais bon, déjà dans le temps, on est début des années 90, il y avait ces groupes qui faisaient de bonne façon, incorporaient un style un peu dérivé du rap, on pourrait dire, dans un frame metal. On pense à, entre autres... Living Color l'ont fait à l'occasion, Stock Mojo, 24/7 Spies, entre autres. Et puis, on va entendre Clawfinger de l'album Deaf, Dumb, Blind. Pièce Warfare, subversion sur Underground Québec Radio. Try to This is about saving the future of humanity. No! This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Je l'avion. c'était Vector. Vous avez sans doute reconnu, puisqu'on en fait jouer souvent ces temps-ci, et pour cause. Psychotropia s'est tiré de leur nouvel album Terminal Redux, paru la semaine dernière sur Eurek Records. Les réactions à cet album sont vraiment unanimes et spectaculaires, tout comme leur musique d'ailleurs. Brooklyn Vegan, ce site, fait mention qu'on compare souvent Vector à Voivod, avec lequel ils ont tourné récemment, cette année, probablement à cause du logo de Vector, qui est un clin d'œil direct à celui de Voivod, mais les comparaisons ne sont plus vraiment pertinentes ou plausibles, puisque les riffs de Voivod ne sont pas aussi compressés et délivrés dans un tel degré de sauvagerie. Et les comparaisons avec Destruction non plus. Bref, il n'y a pas de comparaison. Vector ont leur propre bête de science-fiction maintenant sur Terminal Redux. Notre sinistre chroniqueur Guillaume Gagnon sur hurlemort.com mentionne Terminal Redux. Avec Terminal Redux, Vector réinvente le thrash metal et le propulse vers des sommets inégalés. Cet album vient d'entrer dans le panthéon des incontournables au même titre que les Nothing Face, Ring in Blood ou encore To Megatherion. Ce qui n'est pas rien. Alors, à écouter impérativement, selon lui, si vous tenez votre culture métal, et il a raison. Avant ça, on avait eu les Italiens de Schizo. En fait, c'est un groupe sicilien, fondé quand même en 1984. On avait entendu la pièce Deathwire de leur album Rotten Spirals, paru le 25 mars, si je me trompe pas. Ouais. Et puis, ouais, c'était très Annihilator, hein, comme pièce vraiment directe, et le riffing très bon. L'album est peut-être pas tout comme ça, mais quand même, c'est du solide, et puis pas mal différent de ce que je me rappelle, moi, de leur démo Total Schizophrenia de 86, que j'ai encore dans mes archives. Et seul Santio Battio Reder, le guitariste, est un membre original depuis la formation du band, en fait, en 1984, présentement. Et début de bloc, on avait eu la formation de Stockholm Clawfinger avec Warfare, W-A-R-F-A-I-R, de 1993, sur leur premier album Deaf, Dumb, Blind. C'était leur premier de 7 albums parus en avril 1993. Il y avait quand même 3 extraits vidéo de cette pièce, de cet album, soit Nigger, The Truth et Warfare, avec une symbiose musicale qui leur appartenait. Vraiment, c'est un album assez unique, Deaf, Dumb, Blind, toujours dans mes souvenirs. Sorry, de cette belle décennie 1990. Vous écoutez toujours Subversion sur Underground Québec Radio. Et prochain bloc, nous aurons Abat aussi. Nous aurons Claustrophobia, nouvelle signature chez PRC Music, pour ce groupe brésilien. Mais avant, Solid Silver, un one-man project de Montréal de notre ami Mathieu Germain. J'en avais déjà passé de Solid Silver, mais mon pied de micro il était en train de foutre le camp. Oui, à Subversion précédemment. Et il fait un peu dans un doom un peu progressif, un peu Cathedral meets Entomb meets je sais pas trop quoi. C'est assez creepy comme musique, et puis fort efficace pour le peu d'équipement que ce type possède. Il est très créatif, Mathieu, et puis c'est franchement étonnant. Et comme je lui disais, comme je lui faisais part récemment, à quand l'album? Bref, on écoute ça. Oui, on écoute The Virgin Vampire Parts 1 and 2, sorti cette année en single, Solid Silver à Subversion. Jamais allé. Face à des ennemis terrifiants, il accumule de l'énergie pour être plus grand et plus fort. Vous n'avez jamais vu de créatures semblables. Vous n'avez jamais vécu de pareilles aventures. C'est un monde de rêve. Super Mario 2, offert exclusivement par Nintendo, le vrai jeu de puissance. Oh! subversion sur Underground Québec Radio. This long. Hell, how long will I wait? We'll be right back. Abbat, c'est la laisse. C'est, oui, c'est comme ça que. Ah, c'est comme ça que Abbat termine cette chanson. oui, Abbat Olve Ekimo de son vrai nom, alias Abbat Dome Occulta. La pièce, c'était Winterbane, hein, de cet album solo, on pourrait dire, paru hein, le 22 janvier sur Season of Mist. Ils terminaient leur tournée US, en fait, le Decibel Tour à la mi-avril, avec Eye on Fire, Skeleton Witch et Tribulation. Avant ça, on avait eu Claustrophobia, ce groupe brésilien signé récemment sur PRC Music. On a entendu un des deux singles qui viennent de sortir, qui paraîtra sur cet album Download Hatred à l'automne prochain sur PRC. La pièce était Polada. Et c'est un groupe de Sao Paulo qui existe quand même depuis 1994. Donc ce sera leur sixième album. Et la formation comporte les frères D'Angelo. Et ça semble bien typique du métal extrême au Brésil d'avoir une paire de frères comme ça dans le band. On pense à Sepultura, on pense à Crision. Overdose, je me rappelle pas s'il y avait deux frères là-dedans aussi. Il faudrait vérifier ça. En tout cas, bref, c'était fort efficace, Claustrophobia. Et début de bloc, on avait commencé ça avec Solid Silver, formation One Man Project. Oh, j'ai plus de voix. Et à chaque fois que je parle de Solid Silver, il y a un incident en onde. Pourquoi? Pourquoi j'ai à voir René Angélil? Ils n'ont pas eu assez de Richard Glenn au début d'émission. Bon, Solid Silver. Oui, formation One Man Project, comme je disais avec Mathieu Germain, musicien de l'Est de Montréal. En fait, pas musicien de profession, mais écoutez, c'est quand même très fort étonnant qu'est-ce qu'il peut faire avec un minimum d'équipement, ce gars-là. Alors, si vous voulez écouter d'autres compositions de Solid Silver, vous pouvez le faire sur SoundCloud. Et puis, The Virgin Vampire, Parts 1 and 2, un des singles 2016 qu'on a entendu. C'est pas mal tout pour moi. Ben, il reste une chanson, les Australiens de Psychroptic. J'avais pas fait jouer de pièces de ce dernier album de 2015 encore. C'est de ce sixième album qui s'intitule Cold. Non, Cold, c'est la chanson. J'ai pas le nom de l'album à mes notes, pourquoi? En tout cas, c'est pas grave. On y va avec Psychroptic et on revient avec le mot de la fin. Thank you. entendre la formation australienne Psycroptic avec Cold, tiré de cet album éponyme de 2015 que j'ai très peu écouté. Il faudra y faire un retour. La formation de Tasmanie nous visitera ici à Montréal le 25 juin prochain au bar Le Piranha pour un concert. Alors, ce serait peut-être une bonne sortie à faire de voir Psycroptic live. Donc, c'est tout pour moi cette semaine. La semaine prochaine, bien évidemment, plus de musique subversive. Alors, revenez-nous. En tout cas, moi, je vais revenir pour plus de musique subversive. Et aussi, probablement, notre ami Mike, alias Michel Monette, Mike TMG, The Metal Guy, devrait être de retour, lui, pour une chronique et pour un Metal for Breakfast. En tout cas, c'est en négociation, ça devrait se faire. Donc, partagez les pages Facebook, Subversion Metal Show, sur SoundCloud aussi, Subversion Metal. Et puis, oui, et supportez nos survivants de la radio métal au Québec, hein, nos amis les Dr. Pendragon et le Rockmaster Alain Lefebvre sur C'est Fou, réanimationad.com, rockclassique.net. Christine Fortier, CISM pour le Grimoire du Métal, Simon Gérard pour le Bourreau Métallique et les chroniques de Guillaume Gagnon, l'air sinistro sur hurlement.com. Alors, qui partagent tous avec vous leur passion pour le rock et le métal. Alors, spread the word pour Subversion. À la prochaine et désolé pour Richard Glenn. Ah!